Chapitre 4. La maison verte. Le lendemain, on le sait déjà, la reine si douce et si tendre, que nous avons vu figurer au commencement de cette histoire, avait subi le supplice infamant. Jean Ketch avait coupé sa belle tête. Mais suivant la promesse qu'elle lui avait faite, Francis avait déjà fait remettre à la nourrice et à la comtesse Géraldine les pendants d'oreilles et la graffe qui leur étaient destinés. Restait le mouchoir de dentelle de Flandre. Sur le soir, la duchesse, couverte d'habits de deuil, se dirigeait seule et à pied vers Piccadilly. « La maison verte ? » demanda-t-elle, chemin faisant, à une vieille femme qui passait. « La maison verte, madame ? » répondit cette dernière avec un frisson. « Ah, madame, va à la maison verte. C'est tout là-bas, au détour de cette rue. La porte est facile à reconnaître. Il y a un marteau tordu en tête de dragon. » Francis, que le ton plein de mystère de cette femme ne laissa pas que d'étonner, pressa le pas et fut bientôt arrivé. Entrant par le petit perron dont Catherine lui avait parlé, Francis retrouva autour du foyer les personnes du récit. « Je suis la véritable duchesse de Cambridge, » dit Francis, « et je viens enfin vous rapporter de la part de la reine un mouchoir qu'elle avait promis de rapporter elle-même ici. »« La reine ?» dit la vieille en pleurant. « La reine ?» dit le jeune homme en rougissant. « La reine ?» dit la jeune fille avec assez d'insouciance. « Ah, cette belle personne était la reine !» Mais, de toute manière, ce mouchoir devait me revenir. Mon oncle Jean Ketch de France avait fait la promesse de me rapporter tous les effets de la supplicier. Catherine Howard s'était égarée un soir chez la veuve du bourreau de Londres. Ainsi s'achève Le mouchoir d'une reine par Philibert Audebrand.